à nos communautés de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Vive la musique de Papa Wemba, compatie aux violences en répétition dans la partie Est de la RDC. Veuillez trouver notre soutien moral au travers de ces belles mélodies que nous vous dédions en hommage à Papa Wemba, la voix du maître. Bambou la passe habitude, Mati Pacheco Bolingo, Namo Itona Boutou, Oponi na yo kokende, chance ya souka, Boboko pesangaye, Kanda na yo mabe, Mote manwe bende, Ngayi wa yo, malade salingaye, Nasa mote manani temwe, Senga moko e mawao, Ibemba soso matanga teo, Ya Bolingo balilaka, Ivilando alela papa e, Nasima ya lopango. Bambula pesa come sanaro, ya kobenga yo bolingo, amo itona putu. Papani na yo kokende, chance ya suka. Boboko pesa ngaye, kana la yo kolo, otema nwe bende. Ngayi wa yo, malade salinga yo, nasa motema nani temwe, senga moko yo mawao. Ebemba soso matanga teo, ya bolingo balilaka, ivilando alela papa e, nasima ya lopango. Nasima ya lopango e. Gobe gobe Lisha, merci ko première dame de Lausanne, Richman Ansi, Willy Kamenga, Germain Gobila, Kanta ya lala e, Olivier Bila, Dun Record. Gina Mateta, les gardiens du temple. Et Jeanne Chimbalanga. Dieudonné Yangumba, Maréchal Tito, Boba Bokole. Sandra et Beka, Adil Adoyoué, Oscar Kilokonda, Robert Mawanda na Canada, Miss Kilolo Mama Social, Redi Elma, Rondo Mifla Tempo Complento, Daddy Soso l'immortel, Souci Agathe Lune. Linda Londole Mwana Mayele, Ajani Kanto, Humberto Dickens, Rich Andy Luawa, un enfant pas comme les autres, Asta Pink Ladies, Ivoiriana, le président Marc Avenier, Noëlla Saki, Emmanuel Omakanda Chako, Dr. Imani Lungae, Fifi Fleur de Suisse, Dae Vanda, Magito Waka la charismatique, Maman Léonie Songabao, Bernice Simbi, Maître Freddy Bonzeke, Dirkan, Honorable Jean-Claude Fouemba, Yajil Maswae, Ya Pierre Binda, Difficile na vie à moto, Jean-Pierre Yale, Richard Kabala, Didier Pambia Optimum, Sido Moissi, Mère Frenchen, Vicky Mamba, Jacky Mukenge, Honorable Paul Bindu Sambali, Jean-Marie Malomba, Mokonja Selemao, Ida Kabembe na Luanda, Emmanuel Wetcha, Lolita Boule Sage, Papa Rolls Swanga Bien, Les Léopards de la Sap, Kadu Doza, Fils Japon, Makri et Kanga aux lèvres électriques, Sisi Malto Lokoto, Les Cardinal Koumani, représentant légal à Abidjan, Sisi Selenge Soma. Soba, Bab Terkas.